Lettre à mon juge, de Georges Simenon. France Culture et la Comédie Française présentent Lettre à mon juge, de Georges Simenon. Adaptation, Pierre Assouline. Troisième épisode. Charles Lavoine a tué. Depuis la prison, il écrit à son juge, le seul homme dont il aimerait être compris. Après 10 ans de mariage avec Armande, Lavoine se sent étranger à lui-même et à sa vie trop calme, trop harmonieuse. Un soir, à Nantes, il rencontre Martine, une jeune femme qui a comme lui manqué le train pour La Roche. Après avoir dîné ensemble, Lavoine téléphone à Armande pour la prévenir. Le 1251, s'il vous plaît, mademoiselle. On nous répondait de rester à l'appareil. Il y a beaucoup d'attente. Je ne sais pourquoi nous rions. Mais je me souviens que j'étais obligé de tenir la main sur le micro. Allô ? Et tout cela nous amusait. C'est toi, Armand ? Dieu sait pourquoi. Charles ! Tout cela nous paraissait d'une gaieté folle. Tu es toujours à Nantes ? Figure-toi qu'il y a eu quelques complications. Il fallait que je retourne ce soir à l'hôpital voir mon malade. Ah, tu as dîné chez Gaillard ? C'est-à-dire, non, je ne voulais pas les déranger. J'avais des courses à faire. Tu as trouvé mes boutons ? Oui. Et les jouets pour les petites. Tu es seule ? Oui. Tu téléphones d'un café, non ? Je me rends à l'hôtel. Ah, au Duc de Bretagne ? Probablement, s'il y a de la place. Que tu fais des paquets ? Allô ? Je les ai avec moi. Essaye de ne rien perdre, Charles. À propos, Madame Gringoire est venue ce soir. Il paraît que tu lui avais donné rendez-vous à 9h. Elle souffre toujours et, bon, elle voulait absolument t'attendre. Je la verrai demain matin. Tu prends le premier train ? À demain. Elle ne t'a pas cru. C'est l'histoire des paquets qui l'a fait tiquer. Nous avons bu un autre calvados au comptoir et nous nous sommes à nouveau enfoncés dans l'humidité noire des rues. C'était la période gaie. Tout nous faisait rire. De la musique qui sourdait d'une façade éclairée au néon nous a attirés et nous nous sommes trouvés dans une boîte de nuit étroite et toute rouge. Martine voulait danser et j'ai dansé avec elle. C'est alors que j'ai vu sa nuque de tout près. Une nuque très blanche. La peau si fine qu'on voyait le bleu des veines. Avec des petits cheveux mouillés qui frisaient. Pourquoi cette nuque m'a-t-elle ému ? C'était en quelque sorte la première chose humaine que je découvrais en elle. Cela n'avait plus aucun rapport avec une couverture de magazine, avec une jeune femme qui se croit élégante. C'était une nuque de jeune fille pas bien portante, et je me suis mis, en dansant, à la frôler de mes lèvres. Quand nous nous sommes assis à notre place, j'ai regardé son visage avec d'autres yeux. Elle avait les paupières cernées. Le rouge artificiel ne dessinait plus qu'imparfaitement ses lèvres. Elle était fatiguée. Mais elle ne voulait pas abandonner la partie. Elle voulait coûte que coûte continuer à s'amuser. Nous en avons bu. Elle est allée d'une démarche imprécise trouver les musiciens pour leur demander un morceau quelconque que je ne connaissais pas. Je la voyais gesticuler. À un autre moment, elle a gagné les lavabos. Je reviens. Elle est restée très longtemps absente. Elle était allée vomir son dîner. Elle buvait à nouveau. Elle voulait danser encore. Et à mesure qu'elle dansait, son corps se serrait davantage contre le mien. Il y avait dans son excitation quelque chose de triste, de forcer, qui n'était pas sans m'émouvoir. Je sentais le désir qui s'emparait d'elle petit à petit et c'était une sorte de désir que je n'avais jamais rencontré. Elle s'excitait toute seule, mon juge. Comprenez-vous ? Ce n'était pas moi. Ce n'était pas l'homme qui comptait. J'ai compris plus tard. À ce moment-là, j'étais troublé, dérouté. Son désir, malgré ma présence, était un désir solitaire. et son excitation sexuelle était une excitation laborieuse. Elle s'y raccrochait comme pour échapper à un vide. En fin de compte, nous sommes entrés dans un hôtel de second ordre, un hôtel moyen, plus exactement banalement terne, où il y avait encore de la lumière et où le gardien de nuit, tripotant les clés au tableau, nous a donné une chambre à deux lits. Elle n'a rien dit, moi non plus. J'ai seulement recommandé qu'on nous réveille à 6h moins le quart. La porte refermée, elle m'a dit... Nous coucherons chacun dans un lit, n'est-ce pas ? En l'entendant aller et venir, ouvrir et fermer les robinets, j'ai eu soudain, mon juge, une étrange sensation d'intimité. Une sensation, vous le croirez si vous le pouvez, que je n'ai jamais eue avec Armande. Je me demande si j'étais encore sous. Je ne le crois pas. Je me suis déshabillé et je me suis glissé sous les draps. Comme elle tardait à venir, je pensais qu'elle était peut-être encore malade. Ça va ? Ça va. Vous êtes couché ? Oui. Je viens. J'avais éteint les lumières de la chambre, par discrétion. De sorte que, quand elle a ouvert la porte de la salle de bain, elle n'était éclairée que de dos. Elle m'a paru plus petite, plus maigre encore. Elle était nue et elle tenait une serviette devant elle, sans ostentation, je dois le reconnaître, avec même beaucoup de simplicité. Elle s'est retournée pour éteindre et j'ai vu son dos nu, avec la colonne vertébrale qui saillait, la taille très étroite, les hanches, par contre, beaucoup plus fortes que je n'avais imaginé. Cela n'a duré que quelques secondes. C'est une image qui ne m'a jamais quitté. J'ai pensé, ou à peu près, une pauvre petite fille. Je l'entendais qui tâtonnait dans l'obscurité pour trouver son lit et s'y coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Il est vrai que nous n'avons pas grand temps à dormir. Quelle heure est-il ? Je ne sais pas. Attendez que j'allume. Il est 3h30. J'ai éteint et nous ne dormions pas. Deux ou trois fois, en l'espace d'un quart d'heure, elle s'est retournée tout d'une pièce en soupirant. Je n'ai rien prémédité, mon juge. Cela, je vous le jure. À certains moments même, j'ai cru que j'allais trouver le sommeil. Je commençais à m'assoupir. Et c'est alors, justement, que je me suis levé d'un bond et que je me suis dirigé vers le lit voisin. Mon visage, mes lèvres ont cherché les cheveux sombres. Peut-être que son premier mouvement a été pour me repousser. J'ai rejeté la couverture, comme dans un rêve, sans réfléchir, sans penser, sans savoir au juste ce que je faisais. D'un geste irrésistible, je l'ai pénétré, d'un seul coup. Au même instant, j'ai eu l'impression d'une révélation. Il m'a semblé que, pour la première fois de ma vie, je possédais une femme. Je l'ai aimée furieusement, je vous l'ai dit. J'ai aimé tout son corps à la fois, dont je sentais les moindres frémissements. Nos bouches n'en faisaient qu'une et je mettais une sorte de rage à vouloir m'assimiler à cette chair qui, un peu plus tôt, m'était presque indifférente. Avez-vous jamais eu la sensation que vous étiez sur le point d'atteindre à quelque chose de surhumain ? Cette sensation, je l'avais cette nuit-là. Et cette angoisse qui montait chez elle, cette angoisse que, même un médecin, je ne m'expliquais pas autrement que par un désir similaire au mien. Il y avait dans tout son être, mon juge, dans ses yeux fixes, dans sa bouche ouverte, dans ses narines pincées, une angoisse intolérable. En même temps, essayez bien de me comprendre, qu'une volonté non moins désespérée d'y échapper, de crever la bulle, de crever le plafond à son tour, d'être délivré en un mot. Elle a essayé de sourire. Elle a saisi ma grosse main. Elle s'y est accrochée. Nous sommes restés longtemps ainsi, dans le silence de l'hôtel, à attendre que ses pulsations redeviennent à peu près normales. Elle n'a pas pensé à se recouvrir et vous ne pouvez pas savoir à quel point je lui en suis reconnaissant. Tandis que je lui tendais le verre en lui soutenant la tête, j'ai vu, sur son ventre, une couture encore fraîche, une cicatrice d'un vilain rose qui le traversait verticalement. Voyez-vous, cette cicatrice-là, pour moi, médecin, c'était un peu ce qu'est pour vous, juge, un extrait de casier judiciaire. Elle n'essayait pas de me la cacher. Mon Dieu, que je suis fatiguée. Et de grosses larmes brûlantes me jaillissaient des paupières. Je ne sais pas si je l'ai aimé dès cette nuit-là, mais ce dont je suis sûr, c'est que quand nous avons pris, un peu avant 7h du matin, un train poisseux d'humidité froide, je ne pouvais déjà plus envisager la perspective d'une vie sans elle. C'est que cette femme qui était en face de moi, pâle et chiffonnée dans la méchante lumière du compartiment, près de la vitre où coulaient des gouttes plus claires que la nuit, c'est que cette inconnue, au chapeau rendu ridicule par la pluie de la veille, m'était plus proche qu'aucun être humain ne l'avait jamais été. Nous ne parlions pas. Nous attendions avec appréhension l'effet des chaos du train sur nos tempes douloureuses, sur toute notre chair malade. Elle a souri pourtant, en me regardant, alors que nous franchissions le pont de la Loire. Mes petits paquets étaient éparpillés sur la banquette autour de moi. Il n'y avait que nous deux dans le compartiment. Je tenais à la bouche, avec une mine sans doute dégoûtée, une pipe que j'avais été obligé de laisser s'éteindre. Je me demande ce qu'Armand va dire. Et toi? Il y a quelqu'un qui t'attend? Monsieur Bocquet m'a promis de me trouver un appartement meublé où je puisse faire ma cuisine. Tu as couché avec lui? C'est effarant, mon juge. Il n'avait pas tout à fait 12 heures que je la connaissais. N'empêche que soudain, alors que je posais cette question-là, j'ai souffert d'une contraction épouvantable dans la poitrine. Je suis resté comme en suspens. Je n'avais encore rien connu de pareil, mais cela m'est arrivé assez souvent par la suite pour que, depuis, je ressens une pitié fraternelle à l'égard de tous les angineux. Je t'ai dit que je n'avais même pas eu le temps de vous parler de ça. Tu ne coucheras pas avec lui? Mais non. Même s'il te le demande? Même s'il l'exige? Mais non. Ni avec lui, ni avec personne? Nous n'avons pas parlé d'amour. Nous n'en parlions pas encore. Nous étions deux chiens mouillés et harassés dans la grisaille d'un compartiment de seconde classe à 7h30 du matin, en décembre, alors que le jour, faute de soleil possible, tardait à se lever. Pourtant, je l'ai cru. Et elle m'a cru. Écoute, il est trop tôt pour téléphoner à Bocquet et les galeries n'ouvrent qu'à 9h. Je vais te déposer à l'hôtel de l'Europe. Il est préférable que tu dormes quelques heures. Elle avait visiblement envie de poser une question qu'elle hésitait à poser depuis un moment. Et moi, je ne sais pourquoi, je voulais l'éviter. J'en avais peur. Elle m'a regardé, résignée, obéissante. Vous entendez, juge? Obéissant. Bien. Je te téléphonerai avant midi, ou je passerai te voir. Attends. Non. Je ne pourrais pas passer te voir parce que c'est le moment de ma consultation. Viens chez moi. On peut toujours entrer chez un médecin. Mais Armand... Tu entreras par le salon d'attente comme une malade. Surtout, ne sors pas. Ne téléphone à personne avant de m'avoir vu. Il est 8h. Mettons que tu dormes jusqu'à 11h. Mettons 11h30. Il faut me promettre que tu ne verras personne. Promets, Martine. Je promets. C'est ridicule, n'est-ce pas? Mais j'avais si peur de la perdre. Je ne voulais à aucun prix qu'elle vît Bokeh avant moi. Je ne voulais déjà plus qu'elle vît personne. Je ne le savais pas encore moi-même. Ce qu'on m'a reproché le plus au procès, c'est d'avoir introduit ma maîtresse au domicile conjugal. À leurs yeux, je crois bien que c'est mon plus grand crime et qu'on m'aurait pardonné à la rigueur d'avoir tué. Mais Maître Martin, face à face avec Armande, ils en étaient tellement indignés qu'ils ne trouvaient pas les mots pour qualifier ma conduite. Qu'est-ce que vous auriez fait, mon juge? Est-ce que je pouvais m'en aller tout de suite? Est-ce que cela aurait paru plus naturel, comme ça, dès le premier jour, de but en blanc? Est-ce que je savais seulement où nous allions? Il y a une chose que je savais, une seule. C'est que je ne pouvais plus me passer d'elle et que j'éprouvais une douleur physique aussi violente que celle du plus affligé de mes malades, dès qu'elle n'était plus près de moi, dès que je ne la voyais pas, dès que je ne l'entendais pas. C'était soudain le vide total. 11 heures. Vous comprenez? 11h30. Un pauvre gosse, je le vois encore, avec les oreillons et une énorme compresse autour de la tête. Puis un panari incisé. D'autres. Il en venait toujours d'autres qui remplaçaient les précédents sous les banquettes. Elle ne viendrait pas. C'était impossible qu'elle vînt. Et pourquoi, dites, pourquoi serait-elle venue? Bon Dieu, que c'est bête de devoir employer des mots qui ont servi si longtemps à exprimer des banalités. Ma gorge s'est serrée. Vraiment serrée, là. Aussi serrée qu'une artère dans un calcut. Elle était là. Dans le même tailleur sombre que la veille, avec le même chapeau, tout au bout d'un des deux bancs. Je me suis planté devant elle. Elle m'a dit plus tard que j'étais effrayant. C'est possible. J'avais eu trop peur. Entre. Il paraît que j'ai poussé un soupir aussi rauque qu'un gémissement et que j'ai articulé en laissant tomber mes bras devenus mous. Tu es venu? Quand je l'ai regardée dans la lumière de mon cabinet, j'ai été presque désillusionné. Elle avait à nouveau sa silhouette trop nette de la veille au soir. Sa silhouette d'avant. Tant pis. Telle qu'elle était, je ne la laissais pas partir. J'en avais encore pour une heure de consultation au moins. J'aurais pu lui demander de revenir, mais je ne voulais pas qu'elle s'éloignât. Écoute, tu déjeuneras à la maison. Mais si, c'est inutile de parler de notre rencontre d'hier, car Armande est méfiante et ma mère encore plus. Pour elles deux, tu es venue me trouver ce matin avec une recommandation du docteur Artari, de Paris, que je connais un peu mais que ma femme ne connaît pas. Tu peux parler de Bokeh, ça vaut même mieux. Cependant, laisse entendre que tu as travaillé pour un médecin, pour Artari, par exemple. Artari. Mon nom est Anglebert. Martine Anglebert. Je suis belge, de Liège. Elle sourit. C'est vrai que je ne connaissais pas son nom de famille et que cela m'aurait embarrassé pour la présenter. Tu verras. Laisse-moi faire. J'étais tout fou. J'avais un peu l'impression de me l'approprier et il n'en aurait pas fallu beaucoup pour que l'idée me vienne de l'enfermer. J'entendais les quintes de toux d'une malade dans la salle d'attente. Viens. Je frôlais ses lèvres de mes lèvres. Délicatement, je la précédais. C'était mon vestibule. À gauche, mon salon. L'odeur qui flottait était l'odeur de ma maison, et elle était dans ma maison. J'ai aperçu maman dans le salon et je me suis précipité vers elle. Écoute, maman, je te présente une jeune fille que me recommande le docteur Artari, un médecin de Paris que je connais. Elle vient travailler à La Roche où elle ne connaît personne et... Je l'ai invitée à déjeuner avec nous. Maman, en se levant, laissa tomber sa pelote de laine. Je te la confie. Je vais continuer mes consultations. Est-ce que j'ai failli chanter? J'avais la sensation d'une telle victoire et, pour tout dire, j'étais si fier de mon astuce. Penser que je l'avais mise sous la garde de maman. Aucun homme ne lui parlerait pendant qu'elles seraient ensemble. Et Martine, qu'elle le veuille ou non, continuerait à vivre dans mon atmosphère. Elle était là. À moins de 10 mètres de moi. Quand je me rapprochais de la petite porte du fond, je pouvais entendre un murmure de voix. C'était trop confus pour que je reconnaisse la sienne, mais elle n'en était pas moins là. Tant pis si, comme les autres, vous prononcez le mot « cynisme » au point où j'en suis, ça n'a plus d'importance. Cynisme, soit, si vous voulez. Dès ce matin-là, en effet, peut-être dès je ne sais plus quel instant de la nuit, j'acceptais d'avance tout ce qui pourrait advenir. Tout, mon juge. Vous m'entendez? Tout, sauf de la perdre. Tout, sauf de la voir s'éloigner, de vivre sans sa présence, de ressentir encore dans la poitrine cette horrible douleur. Ce jour-là, il y avait juste un homme qui ne pouvait agir autrement qu'il agissait. Un point, c'est tout. Car ce qui était en jeu, c'était son bonheur. Je n'avais pas de plan préconçu. J'ai continué mes consultations, l'âme en paix. Quand je suis entré dans le salon, les trois femmes y étaient assises comme des dames qui se font visite. Et Martine avait ma plus jeune fille sur les genoux. Ah, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de votre femme. Mademoiselle Anglebert nous a beaucoup parlé de sa famille. Tu crois que nous pouvons la laisser à l'hôtel en attendant qu'elle trouve un appartement? Elle est descendue à l'Europe ce matin. Si Artari te la recommande, qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre? Il me demande de lui faciliter les premiers temps de son séjour. Ah. Non, enfin... Il n'aime pas beaucoup la place qu'on lui offre chez Bokeh, mais nous verrons ça plus tard. Si je savais que ce n'est que pour 2 ou 3 jours, je lui donnerais la chambre verte. Oui, c'est comme tu voudras. D'accord. J'étais tellement reconnaissant à Armande que je l'ai regardée pendant le déjeuner, comme je ne l'avais jamais sans doute regardée jusqu'alors, avec une véritable tendresse. C'est délicieux. Un déjeuner parfait, que maman avait obtenu de surveiller. Nous n'avions pas faim et nous mangions sans nous en apercevoir. Nos yeux riaient. Nous étions gais. Tout le monde était gai, mon juge. La mère fait souvent assez doux. Comme par miracle. Tout à l'heure, mon mari ira chercher vos bagages à l'hôtel. Oh non. Si. Je crois pas qu'il soit difficile en ce moment de trouver un appartement meublé. Merci. Après le déjeuner, je donnerai 2 ou 3 coups de fil. Cela vous ennuierait, madame, que je passe à l'hôtel moi aussi? J'ai quelques petites choses qui traînent et... Pas de problème. C'est là que j'ai vu combien Martine était rouée. J'allais dire combien elle était garce. Armande, elle, avait compris. Petit secret de femme, parbleu. Petite pudeur. Ce n'était pas à la grande brute que j'étais de pénétrer dans la chambre d'une jeune fille et de manier son linge, ses objets personnels. Je montais avec elle. Avant même de refermer la porte, je la serrais dans mes bras à l'étouffer et lui manger littéralement la bouche. Le lit n'était pas encore fait. Pourtant, l'idée ne me vint pas d'y renverser. Cela comptait, certes, mais ce n'était pas le moment. Nous avions autre chose à réaliser, tout de suite. Une autre étape à franchir. Il fallait que je la ramène chez moi, mon juge. Et je l'ai ramenée triomphalement. Comme jamais sans doute nouvel époux n'a ramené chez lui son épouse. J'étais obligé d'éteindre le feu de mon regard, le rayonnement de tout mon être. J'ai déjà téléphoné et on m'a donné une adresse. Merci. Dis-moi, il est plus convenable que ce soit moi qui aille avec elle. J'ai dit oui, parbleu, du moment qu'il y avait quelqu'un pour la garder. Et cela me semblait tout naturel à moi, que ce soit ma mère ou Armande. Duplicité? Hypocrisie? Non, mon juge, non et non. Laissez dire cela à ceux qui ne savent pas. Vous qui allez peut-être savoir bientôt. Vous qui, si je ne me trompe, saurez un jour. La force irrésistible de la vie, simplement, de la vie qui m'était enfin donnée à moi qui, si longtemps, n'avais été qu'un homme sans ombre. C'était « Lettre à mon juge » de Georges Simenon, épisode 3. Adaptation Pierre Assouline, avec les comédiens de la Comédie Française, Claude Mathieu, Alexandre Pavlov, Jennifer Decker, Dominique Blanc. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Laurence Courtois. Retrouvez l'intégralité du générique sur franceculture.fr. À suivre demain.